Est-ce que l'émission est commencée? Ah non. Moi, je pense que oui. Non. Moi, je pense que oui. Depuis quand? Depuis maintenant 2 minutes et 4 secondes. Mais non! Oui, oui. Mais je parlais pas vers le micro. Oh, tu plates. Je vais me gêner. Ah, fuck. OK, je le mettrai en bloopers d'abord. Depuis quand on fait des bloopers? Eh, on va commencer à en faire. Il me semble que ça fait un an qu'on dit qu'on va en faire et qu'on n'a jamais fait. Tu vas-tu te taper un an de podcast? Ben, on va faire un bloopers de cet épisode-là. Juste lui. Juste lui. OK. Bonjour et bienvenue au signal prolongé de l'Internet, qui sera exactement... Quoi? 23h15 maintenant. C'est pas ça, la fin? Et ça paraît qu'on n'a pas de feuille de route... Non, mais le signal prolongé de l'Internet, là, bienvenue du centre au signal d'Internet. Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. OK, mais c'est, ouais, c'est justement c'est ça que t'as dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Je suis Narf. Ben oui. Oui. Oui, mais d'habitude, il faut utiliser ton nom. Ah, ouais, ben moi, c'est Oli. Et il est Oli. Ben oui. Hey, il est Oli. Ah, oui, il est Olienne. C'est un verbe, ça? Fais-toi aller tes bras. Ah oui, fais spinner tes bras. J'ai pas de place. Iléolienne. Puis on est en direct devant le panneau. Ouais. Qu'est-ce que t'as contre le panneau? Ah, moi, rien. Il est gris. Tout a l'air de l'aimer, en tout cas. Mais oui, ça élimine un peu pas de distorsion, de reverb. Ah, ce qui procure ainsi... L'affaire qui nous éclaire dans les rues. La merveilleuse qualité sonore que vous pouvez entendre actuellement, parce que notre micro était pété, puis là, on utilise le micro du laptop. Fait que si à un moment donné, le fan part... Ça va faire... Ouais, c'est ça. On peut-tu le faire partir pour faire une démonstration? Je sais pas. Faudrait que je fasse travailler le CPU et je le ferai pas. Ah. Parce que ça serait bien trop plate. OK. Il nous reste combien de temps? Je sais pas. On le chronomètre pas aujourd'hui. Okay, c'est comme un X minutes avant l'apocalypse. Ouais, enfin, X est compris entre 0 et infini. Ouais, exactement. Okay. Alors, bienvenue au X minutes avant l'apocalypse. J'avais même pas dit le nom d'émission. Ça, aujourd'hui, on fait un spécial. Ça faisait longtemps qu'on en avait fait. Ouais, je sais même pas quel numéro d'épisode qu'on est rendu, pas en tout. Ou Y. Y? Ouais. On est rendu à l'épisode Y. Exactement. C'est comme un spécial variable. Spécial algèbre. Ouais. Cool. Non, je pense que c'est un spécial plate, parce qu'on a rien de préparé. Bon, là, vous allez dire... Ah, c'est comme les autres! Non. Là, parce que là, vous allez dire, ouais, mais les 16 minutes, c'est jamais préparé. Ouais, mais tu sais, il faut qu'on vous dise qu'il y avait quand même un peu de préparation dans les autres. On le disait pas, on faisait semblant qu'il n'y en avait pas. Ouais, le concept, c'était préparé, mais pas. Mais tu sais, un peu, mais pas trop. Puis là, je pense que ça a changé 8 fois. Puis comme on a dû en faire 8, ben c'était jamais vraiment le même concept. Qu'est-ce que t'as contre mes concepts? Ben, ils sont très variables, justement. Mes concepts. Tu vois, c'est dans le thème. Bon, yes, on est bien plus organisé que d'habitude, je trouve. Fait que c'est mieux qu'il n'y a pas de concept. Yes. Bon. Les concepts, c'est pour les faibles. Alors, on pourrait commencer par parler du concert qu'on vient d'aller voir. Tu trouves pas que ce serait une bonne idée? OK. Mais il me semble qu'on commencerait avec un sujet, parce que ouais, ça fait comme une bonne idée de minutes qu'on fait rien. C'est une bonne idée de commencer avec un sujet. Ouais. Je pense que c'est le seul vrai sujet dans notre liste. Parce que moi puis Ali, on est allé voir un concert tantôt qui était... On est allé le voir. T'as allé l'écouter aussi. Là. Surtout. Et puis là, on est ressorti, puis là, Ali, il a dit « Hey, on enregistre un podcast? » J'en fais comme... Sais-tu, il est quelle heure? et la réponse fut oui. Oui, tu sais, il est quelle heure? Oui, on enregistre. Mais la question, c'était tu sais-tu, il est quelle heure? La réponse, c'est sûrement pas oui, on enregistre. Ben, ça voulait dire oui pour les deux. Ouais. Il est 23h06. Ouais, mais tantôt, il était pas 23h06. Ouais, hein? Bon, c'est plate, ça. Mou. Non, mais on va... Mou? Mou? Si tu lances pas mou. C'était ça. Mou? C'était ça, le mou. C'était ça, le mot. Ben, on peut parler un peu du concert. Ouais, ben, ouais, mais toi, tu connais plus en musique que moi. Ah ouais? Parce que moi, quand on a changé de place, j'ai pas vu de différence. Parce qu'on a changé de place, parce qu'au début, on était... pas au milieu. Ouais, là, Narf n'était pas content parce qu'on n'était pas au milieu. OK, on va expliquer c'était quoi. Là. Le concert, c'était Electrobuzz. Electrobuzz. Ouais, il y avait beaucoup de Z. C'était donné par les étudiants de la faculté de musique de l'Université de Montréal. Ouais. C'était hier, aujourd'hui et demain. c'est-à-dire le 12... C'est compliqué quand je gagne au verbe dans ce temps-là. Hein? 12, 13 et 14 janvier 2010. Oh, on est en deux... Hey, c'est comme le premier podcast de 2010? Oui. Oh my exactement. God, on n'a même pas fêté ça. On est dans le futur. On aurait... Non, mais oui. Ouais, mais les auditeurs aussi, pour une fois. On s'est envenu ici, on était avec des... Motocyclettes volantes? Des... Comment? Non, je sais pas, tu parles du futur. Tu dis des métrocyclettes volantes? J'ai dit des motocyclettes. Ah, ok, j'ai compris. Métrocyclettes, je me demandais c'était quoi. Des planches volantes, comme dans Back to the Future. Ah, ouais, c'est vrai qu'il disait qu'en 2010, il allait avoir ça. C'était quoi la question au début? On est en 2010, on n'a pas fêté ça. Ouais, ben là, on l'a fêté. Vous aurez pris des petites flûtes qui se déroulent et qui font... Ouais, ça nous aurait... Je pense que je vais devenir bruiteur. Avec ta bouche? Ouais. Fait que tu vas pouvoir faire des shows de musique avec des bruits, comme qu'on vient de voir. Je vais même pouvoir faire des mouth beatbox. Parce que le concept du show, du concert, c'était donc de la musique électroacoustique. Mais je précise que c'était de la musique atonale et même arythmique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle n'avait pas de arythmique. Mélodie. Arythmique, il me semble que j'ai vu ça en maths, ce mot-là. Non, ça c'est arythmétique. Non, mais... Il me semble qu'arythmique aussi. Peut-être que je suis tout fourré aussi. Peut-être. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Atonale? Atonale, ça veut dire qu'il n'y a pas de tonalité, donc il n'y a pas de mélodie. Ok, puis l'autre, c'est qu'il n'y a pas de rythme. Il y en avait certains qui en avaient un petit peu, mais c'était habituellement très minime, et ça tombait mal parce que c'était mes tunes préférées. Ouais, parce que Naf aime ça quand il y a du beat. Ah, mais... En fait, dès qu'il y a du beat, il aime ça. Ouais, mais... Tu sais, il écoute du normal amour parce qu'il y a du beat. C'est ce que je débute, hein, mais... Tu débites? Mais j'aime le beat. Okay. Ah, ok, tu débutes. Mais j'aime le beat. Ok. Ça marche pas. C'est moi qui débute? Ouais, mais non, t'aimes le beat? J'aime le beat. Ok, mais non, c'est pas pareil. Pa-da-pa-pa-pa! C'est ça que j'aime. Non, on aurait même pas de cachet, en fait. Ça se peut-tu? De cachet? Ben, pour avoir fait une pub de McDo. Pourquoi on aurait un cachet? Ben, parce qu'ils pourraient nous payer. Ah, oh, je pensais que c'était un cachet d'aspirine. Non, je prends pas des aspirines à chaque matin, moi. Hey, qu'est-ce que t'insinues, là? Ben... C'est ça, c'est ça. Insinus, c'est comme un... Ah, c'était pas bon. Oh. On continue? Non, mais sinus, c'est mathématique algèbre. Ouais, c'est surtout par rapport avec les aspirines puis le nez. C'est pas le nez, c'est la tête, les aspirines. Ah! Hey, on est parti! Est-ce que peut-être temps qu'on revienne? Au concert? Non, il est fini. Mais on n'a pas expliqué pourquoi qu'on a changé de place. Ben non. Parce que l'affaire du concert, ce qui était hot, c'est qu'il y avait quelque chose comme 36 haut-parleurs. Là, vous allez dire. Je l'ai compté 6. Mais je n'ai pas checké. Ouais, je vois ça. Il me semble que je l'ai lu dans le programme. Il y en avait plein sur la scène. Il y en avait ses côtés. Il y en avait derrière nous. Oui. Puis c'est ça le problème, c'est qu'à première place où on était assis, le speaker était derrière notre tête. Ben, fait que le son qui sortait sur ce speaker-là était comme trop fort. Et oh, ça cogne à la porte. Non. Alors on va faire pause à l'enregistrement et on va aller voir c'est qui. Oui! Ok, attends, je vais recommencer. Ça aussi, ça fait des beaux. Oui! Ah, bon, on est rendu dans le futur. Ah, c'était le bruit du futur. Ouais, c'était le bruit du futur. Parce qu'on a coupé, parce qu'il y avait un gars qui est venu cogner à la porte. Mais et puis, il voulait la salle. Mais t'aurais dû laisser enregistrer, ça aurait fait comme des bloopers extraordinaires. Ouais. Autant que ton premier bruit du futur, ou bien que ton manquage de bruit du futur. Bon. Hey, en tout cas, on va faire un spécial bloopers. On a-tu perdu la feuille de route? Ben oui, on va retrouver, inquiète-toi pas. On a retrouvé la feuille de route. Hein? On est organisé. C'est écrit « Trappe à rat » dessus. Ben oui. Je me demande pourquoi. Ah, c'est au-dessus de notre tête. Ah oui, l'accès. Oui, l'accès à l'alimentation chauffage et aussi à la trappe à rats. Parce qu'on enregistre, puis il y a des bruits d'eau, là, mais des fois, il y a des bruits de rats. En tout cas, c'est ce que je pense. Ben, moi, je n'ai jamais entendu de rats ici. Mm-hmm. Mm-hmm. On parle-tu encore du concert où on a fini? Où on peut parler des rentes? Des rentes, oui! Ouais, la trappe à rats, c'est pas intéressant, finalement. Non, pas en tout. Parle-nous donc des rentes. Les rentes, oui, ben les rentes, c'était cool, parce que... Le concert était au deuxième étage. Là, quand on descendait, il y avait comme un gros escalier. Il était en bois, hein, avec des rampes en bois, puis assez larges. Tu sais, le genre de rampe que tu confortable. Dis... Confortable. Oui. Tu sais, le genre de rampe que tu descends l'escalier, puis tu fais « Hum, ça serait tellement plus le fun par la rampe. » Mais on est bien trop haut. Bon, là, ça ne nous a pas empêché de le faire. Ben, j'ai descendu un peu plus bas avant de le faire. Toi, tu l'as fait haut. T'es bien pissou. Mais oui. Mais il était très confortable. Mais, ouais, c'est mais tout ça a bien été, mais moi, je me suis blessé. Ah, oh, sacrément. Au petit ouais. doigt. Parce que je l'ai comme laissé traîner dans le chemin des bars qui tenaient la rampe. Okay. Que, un conseil, là, si vous faites comme de la descente de rampe, ah, ouais. tu sais, les Olympiques arrivent, fait que c'est comme le thème du sportif. Fait que si vous faites comme des points, hein, c'est un sport la descente de rampe, c'est comme du bobsleigh. Non, mais la descente de rampe, c'est pas les rampes de snow, là. Quand ils font des snow, ah, là, font des demi-lunes, c'est des rampes, là. Ah ouais? Ah. Ben, peut-être. Ouais. Ils sont pas assis dessus, par exemple? Non, ils sont plus debout dessus. Ils sont plus debout dessus. En tout cas, faut pas qu'ils laissent traîner leurs petits doigts où c'est qu'il y a des barres qui tiennent la rampe. Ouais. Tu sais que ta comparaison était vraiment nulle, finalement. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? Ouais, puis on a pas grand-chose. Bon, on va parler de choses que la brigade a faites récemment, là, comme, ah, comme le présent et l'avenir de la brigade de SNW. Oh mon Dieu, c'était pas dans les podcasquettes, ça? Ouais, mais on peut le récupérer. De toute façon, on n'en fait plus de podcasquettes. Ah, fait qu'on fait comme un mini podcasquette dans le podcast. Ouais, on fait plein de choses. Dans le 16 minutes. On peut parler, on est en janvier, ben, 2010, oui. dans le futur. Et puis, bienvenue dans le futur. Puis là, vous dites, ben là, c'est pas si hot que ça. Ça fait quand même 13 jours, on est là-dedans. Probablement plus même... quand ça va sortir. Quand ça va sortir. Et puis là, vous dites, ouais, OK, mais... T'sais, le 1er janvier, moi, j'étais tout seul avec ma famille, puis on a niaisé. Eh bien, nous, là, sachez que le 31 au soir. Le 31 au soir, vers 11h, on était à la ronde... Pour aller oui, peser. C'est fermé, mais c'est pas ça qui nous arrête. On est passé par... De toute façon, notre base secrète est en dessous de la ronde. Oui, c'est ça. Vous devriez... Je sais pas si vous avez lu notre wiki, là. Si vous l'avez pas lu... Ben, si vous le savez pas, c'est parce que vous l'avez pas lu. OK. Mais on peut... en reparlera plus tard. Non, mais non? C'est ben... Non, ça peut être intéressant, parce que je pense pas qu'on en ait parlé dans les podcasts. Non, c'est comme caché sur notre site où personne va voir. Ouais, pas le blog. On a un site internet que personne va voir jamais. Il y a un lien à partir du blog pour aller sur le site, de toute façon. Oui, qui est caché, d'ailleurs. C'est quoi l'adresse du site? Ouais, bien longue. Ouais, je sais que ça commence par site.google.com/site/brigade-snw. Quelque chose comme ça. Ouais, allez sur Google, chercher brigade-snw. Ouais, ou bien cherchez le lien sur le côté du blog. Ouais, il bref, est plus bas, là. Cherchez descendez la page, là, encore. Encore. Il est là. Vous cliquez là, vous allez arriver sur notre site. Site officiel de la brigade-snw. Là-dedans, il y a un Wikipédia. Comment on appelle ça? Le wiki encyclopédique de savoir inutile. De savoir con. De savoir con. C'est toi qui l'as baptisé en plus. Oh, je m'en rappelais plus. C'est moi qui l'ai baptisé. Ouais, ben, je pense. Ben, j'ai vraiment écrit savoir con. Ben ouais. Ah ouais. Ben, il me semble que c'était du savoir inutile. De toute façon, on passera pas une demi-heure à se poser la question. Bon, en tout cas. Alors, dans le wiki, si vous cherchez là-dedans, il y a la section sur la ronde. Ouais, c'est une première secret de dans mythologie. Le wiki est un peu trié. Ouais, un petit peu. C'est à ça qu'elle sert la boîte de recherche en haut. Quand je voulais trier ça, Naf m'a comme subtilement fait comprendre que le tri et l'organisation, c'est pour les faibles. Bon, pas subtilement. Pas mal directement, même. Ouais, t'as une petite crotte sur le cœur. Ouais, je peux t'en parler. Non, mais je viens de le faire, là. Ah, oh, c'est tout? Ouais. Oh, bref, ça t'a pas si marqué tant que ça, finalement. Non. Mais ouais, il est organisé tout croche, mais allez dans le plan de notre site, puis vous allez le trouver. Non, mais il y a une case recherche en haut. Tapez la ronde. Mais oui! Mais ça, c'est notre site. Eh oui! Et meilleur que... Autre. Eh ben oui. Je viens de sacrer, il va falloir mettre 13 ans et plus. Oh, bon, alors cela étant dit, pourquoi on parlait de ça? Oui, pour peser sur le piton. Oui! Le piton qui reset et qui a starté votre année. De l'heure, on en parle clairement dans le wiki du piton. Ouais, puis là, je viens de me rendre compte que j'en ai parlé dans mon podcast de syndrome de chien. Ben oui, c'est vrai, fait que vous le savez. Ouais, vous avez déjà tout ça. Bon, ben, il n'y a pas de punch finalement. Non. Parlant de mon... Wow, y a-tu de la visite encore? Ah, salut. Est-ce que tu as fait pour mon père? Non, 15 mais minutes. Qu'est-ce qu'un autre? Je viens de poser la même question tantôt. Ah, pour vrai? Ouais, un line-up. T'avais-tu une réservation? Non, mais... Nous non plus, puis lui non plus. Fait que quand nous, on va partir, vous vous battrez entre eux. Ouais, cool. Ah, il y a de l'action à soir. Ouais. Chance, on l'a laissé enregistrer, ce coup-là, ça va faire une blooper. Ouais. De quoi qu'on parlait, là? De mon podcast de syndrome de chiolage. Ouais. Et autres effets secondaires. Ouais, avec un S. Avec deux S. Ouais. Trois S. Quatre S. Parce qu'il y en a un au début de secondaire. Il y en a partout des S, j'en oublie tout le temps un. Qu'est-ce que okay. Ben, et toi, Ali, est-ce que t'as écouté toutes mes émissions? Oui. Est-ce que t'aimes ça? Ben oui. C'est tout? Ben, ouais. T'as rien à dire de plus? Ah oui, je t'ai forcé à les écouter l'autre fois pour faire le journal. Ah oui, c'est vrai, parce que moi, ben, je les ai pas réécoutés. Je les avais déjà écoutés, puis je me suis fait ce que tu m'as dit. T'as juste d'ailleurs, écouté l'opening? Le journal, là, c'est comme un peu comme un mystère. Pas un mystère, c'est pas ça le mot que je cherche, là, mais en tout cas, peu importe, parce que là, on sait pas comme si c'est le journal ou le podcast que vous allez voir en premier. Parce qu'on est le 13 janvier. Mm-hmm. Le journal qu'on était supposé envoyer le 1er janvier et... pas encore envoyé. Mais il est presque fini depuis le 1er janvier. C'est juste qu'il nous reste encore le même bout à faire. Quoi? Ben, oui, il nous reste encore le même bout. Non, c'est toi qui faut qu'il fasse. C'est le mot de la fin. T'as juste à dire, oh fuck le mot de la fin, j'ai pris rien à dire. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, fais ça. Je fais ça. Mais vous savez déjà comment le journal va finir. Ouais. Peut-être vous l'avez déjà reçu aussi. Mais vous n'allez pas savoir comment il va commencer, parce qu'il va commencer de façon hot grâce à une fabuleuse histoire que j'ai écrite. Réécrite, mettons. Ben, je l'ai réinventée. Remixée. Ouais. Remis au goût du jour. Exactement. Avec un paquet de Kravener. Yark! Donc... Et c'est l'histoire de la chasse-galerie. Hey, ouais, scoop! Tu viens de le dire. Hein? Scoop! Scoop si le journal n'est pas déjà rendu. Ouais, je sais pas ce qui va sortir en premier, finalement. Non, pardon. On fait ça vraiment à la... Attends, c'est tout. On fait vraiment ça à la bonne franquette. Ouais, qui est le féminin de Franck. Parlant féminin... Bon, on n'avait pas fini de parler de la nouvelle année. C'est pas grave. Parlant féminin... Oh, dis-le. C'est ton jeu de mots, en plus. Ouais. Comment c'est arrivé? Je m'en rappelle. Tu disais que si le fan de ton ordi parlait, ça partait. Ça ferait du bruit dans le micro. Tu as comme dit, si le fan, il part... C'est quoi que tu as dit, le fan? Je sais plus trop, mais il y avait le fan dedans. Je trouvais que ça ressemblait comme à Elephant, qui est bien évidemment le féminin de Elephant, pas de thé. Puis, mais c'est tout, hein? Je trouve ça drôle. Ouais, non, t'es en train de rire. Comme coup, autant que si j'avais dit saucisse. Je trouve ça. En tout cas, je trouve que c'est le fun. Ouf! Comme dans Elephant ou dans Xylophone, pour faire un lien avec le concert. Il n'y avait pas de Xylophone. Je ne sais plus. Ok, j'ai mal au ventre. Ouais, dis-moi, c'est pas au ventre. Hein? Dis-moi, c'est pas au ventre. T'as mal au nez? Une fois par année? Hein? J'ai mal au nez une fois par année, j'ai mal aux dents tout le temps. Une fois là? Non. Hein? C'est même pas bon comme tout. Passe partout. Ah ouais? C'est une comptine. Ah. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? C'était le segment plate du podcast. Juste lui. Ouais, le segment plus plate. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? On a d'autre? Écrit. Ça, on en a parlé. Le sondage? Ouais, mais lui? Les deux. Parce que quand on a décidé de faire le podcast, on avait comme rien à dire. Ouais, pas partout. Là, on a fait comme une feuille de route en 2 minutes. La première affaire qu'on a écrit, c'est comme, pourquoi on fait un podcast? Ah, mais on a pas perdu ça. C'est parce qu'on est allé au show et tu m'as dit pourquoi on fait un podcast. C'est une raison, ça? Oui, c'est une raison. Ah. C'était ça, je pensais que c'était ça. Ah, OK. OK. Bon, mais là, c'était plate d'abord, rien à dire. Pourquoi c'est écrit « Appelez-nous » Mais parce que moi, je pensais que c'était comme une question. Pourquoi on fait un podcast? Que c'était pas un sujet de discussion. C'était qu'on savait pas pourquoi on faisait un podcast, puis on voulait le savoir, puis on voulait que le monde nous appelle pour nous le dire. Bon, ben, appelez-nous. Mais pas en direct, là, parce que je veux dire... Ben oui, en direct. On attend vos appels. 514-90. Là, je vais dire le dernier mot, là. Puis vous allez appeler tout de suite, hein, j'espère. Pirate. Pas de « E ». Ouais. Ouais. Parce que c'est au masculin. C'est... Ouais. 514-907-4728. Appelez-nous et dites-nous pourquoi on fait un podcast. On attend. On attend-tu? Oh my God, ça fait plus que 16 minutes, hein? Ouais, on va attendre encore un peu. Hey, c'est comme un podcast post-apocalypse. Comment ça? Ouais, parce que ça fait plus que 16 minutes. Ouais, mais ça fait plusieurs fois qu'on a passé l'apocalypse. Ah. C'est pas très exceptionnel, là. Là, personne nous appelle. Peut-être qu'eux autres, ils l'ont pas passé, l'apocalypse. Puis ça fait quoi? Pourquoi qu'ils pourraient pas nous appeler à cause de ça? Parce qu'ils sont morts. Non, mais je veux dire, c'est arrivé, ils ont pas survécu. Comme dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Pour vous autres. Ouais. Fait que là je parle à personne, finalement. Je pourrais parler d'escabeau, puis personne s'en rendrait compte. Comme celui-là, là. Hey, il fait pas full de bruit. Non, mais là... Bon, on parle de quelque chose d'autre qu'on aurait à parler. Hey, il en reste pas gros, hein? J'aurais... Émission 2. J'aurais aimé ça parler de mon nouveau... De mon idée, de mon projet. On parle tout de ça? On parle de ça. On a dit 15 minutes au gars, ça fait 10 minutes. Il nous reste encore un peu de temps. Parfait! J'ai... Là, c'est un scoop, OK? Parce qu'il y a pas grand monde qui le savent encore. Fait que à nos auditeurs qui ont survécu aux 16 minutes de l'apocalypse, qui était vraiment plate aujourd'hui... Non, moi aussi, parce que je le sais pas. Oui, je sens que je t'en ai parlé un peu. Ah ouais? Ouais, j'ai dans l'idée de partir une nouvelle émission de radio qui parlerait de jeux vidéo, mais faire une vraie émission de radio. Fait que là, j'essaye de contacter... Pour de vrai? Oui, oui. Je veux dire, une vraie qui passe à radio. C'est ISM. OK, ouais. Oui, la radio de l'Université de Montréal. Elle n'a pas une chance à Montréal? Ben, l'antenne est sur le Mont-Royal, fait qu'ils ont l'avantage à couvrir assez bon, large. On la pogne-tu à Rapin? On la pogne pas à Rapin. Mais tu peux l'écouter sur Internet. Ah! Oui. T'en vas sur CISM dans Google et tu peux écouter CISM en direct. J'ai jamais vraiment écouté, mais je sais que c'est comme très varié, par exemple. Il y a bien du stock. Écoute-la pas passer 10 heures parce que là, tu rentres dans la musique fuckée. Ben, là, c'est pas un problème, là, tu peux l'écouter pareil. Moi, je l'écoute. OK. Mais des fois, il y a des trucs bizarres. Pas aussi bizarres que ce qu'on a vu dans le concert aujourd'hui. OK. Mais bref, tu veux faire une émission là? Fait que oui, c'est ça que je veux faire parce que je trouve que ça manque. Il n'y a pas de médias qui parlent. Là, ça, c'est le bout où je deviens vraiment plein de convictions. Puis comment on dit ça? Engagé. Ouais. Parce que je trouve que dans les médias. C'est un appel engagé. Dans les médias, ça parle pas assez de jeux vidéo. Tu sais, des fois, il va y avoir un petit article dans la presse, il va y avoir un petit article dans le journal de Montréal. C'est juste dans les trucs spécialisés. Il y a un peu à revanche des nerds qui parlent de jeux. Ils ont tout le temps une chronique à chaque émission jeux vidéo. Ouais, mais c'est quand même juste une chronique, puis en parle quoi, 5 minutes? C'est basic, c'est ça. Comment tu peux parler d'un jeu pendant 5 minutes? Je pense qu'ils en parlent dans Monsieur Net. Monsieur Net font pas mal de jeux, mais c'est toujours aussi 5 minutes par chronique. Puis c'est des postes spécialisés qu'il faut avoir le câble. Alors, et moi, mon idée, c'est que je veux faire une émission qui va prendre le temps de parler de jeux vidéo, qui serait une espèce de mélange entre un podcast et une émission de radio, donc qui serait diffusée par la vraie radio. Mais comme c'est ISM enregistre toutes les émissions et les diffuse ensuite en podcast, ben bingo, ça fait une pierre deux coups. Ah, ben oui. Ouais, j'avais tout parlé. Je t'en ai pas parlé pendant tout. À date, avant vous, pareil, là. Ouais. Parce que tu vis dans le futur. Ouais, comme la brigade. C'est à cause des podcasts. Ouais, le podcast, c'est comme un parfait exemple de qu'on vit dans le futur. Exactement. En fait, c'est plus eux qui vivent dans le passé. Étant donné que là, on parle puis qu'on dit qu'on est le 13 janvier puis que nous, ils nous écoutent le 16 probablement. C'est nous qui sommes dans le passé. Mais bien compliqué le temps. Oui, c'est très compliqué. Alors donc, dans l'équipe là, que je t'entraîne... Parce que, bon, c'est ça, moi, le projet... Mais as-tu commencé des démarches? J'ai contacté CISM, j'ai pas eu de réponse encore, parce que je leur ai posé des questions un peu bizarres, puis c'était dans le temps de Noël. J'ai pas eu de réponse. Ben, essaye de les recontacter. Oui, c'est sûr que je vais aller les voir là, pour faire bouger les choses, essayer d'avoir une émission. L'idée, ce serait quelque chose comme une heure par semaine... qui parlerait un peu d'actualité par rapport aux jeux vidéo là. Oui, tout jeux vidéo, donc un peu d'actualité, les derniers jeux sortis, les nouvelles des studios, les trucs à venir, c'est ça. Ensuite, une partie critique, donc prendre des jeux existants puis en parler. Une partie plus débat, tour de table puis des trucs comme ça. Donc, mettons, avec un sujet... Tu fais ça tout le monde, tout seul ou avec du monde? Avec du monde. OK. T'as-tu déjà trouvé du monde dans J'y viens plus tard, je finis. C'est quoi la dernière affaire que je voulais faire? Oui, la partie musique, parce que sur ISM, il y a de la musique. Ça serait de la musique de jeux vidéo ou du chiptune music, que j'aime beaucoup. C'est quoi? Musique 8-bit. Ah, OK. Ah, ouais, c'est lié. Du chiptune music. Fait que de la musique de Game Boy, là, dans le fond. De NES ou de vieille console. Fait qu'en gros, c'est ça le projet. Là, c'est ça, pour trouver les gens qui... Parce que moi, mon gros problème dans tout ça, c'est que je suis pas un gros gamer de jeux récents, puis de jeux hardcore, si on peut dire. Tout ce qui est first-person shooter, moi, quand ouais, je joue, ça va être pas je suis un peu en retard. Ça va être comme tout concentré sur le même genre de... Ben, j'ai... sur quelques genres de jeux, plus précisément, ben, c'est... si c'est toi, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est... Et puis l'idée, c'est que... Tu vas avoir des gros préjugés par rapport à certaines sortes de jeux. Ben, non, ben, j'essaie de varier. Quand par rapport aux jeux de Xbox. Non, j'ai joué à Half-Life 2, là, ces temps-ci. Puis j'ai joué à Portal, qui était super bon. Dans Portal, faudrait que je l'essaie. Ouais, c'est vraiment votre Portal. Puis, fait que là, ces temps-ci, en fait, je suis sur Steam. J'ai découvert que mon vieux laptop est capable de rouler quand même pas mal de jeux. Bon, il roule pas Bioshock, puis ça, j'étais triste. Il roule, mais super lent, puis il faut mettre les settings au minimum. Et malgré tout, c'était un très beau jeu. En tout cas, là, je divague. Ouais. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'est que je recherche des gens pour parler des jeux plus hardcore, si on peut dire. Des jeux plus... Ouais, qui joue pas au même jeu que toi, finalement. Des jeux plus Xbox, PC et PS3, ouais. Des consoles que je n'ai pas. À date, j'ai trouvé quelqu'un qui parlerait de jeux indie, jeux indépendants, c'est okay. Sébastien Blobo Banane. Okay, ouais, ouais. Lui, il est maniaque de tout ce qui est jeux indépendants. Des affaires bizarres qui, des fois, sont le fun et des fois, ne sont pas. Ouais, comme Robot Fine Kitten, ça, c'était moyen. Si vous avez la chance de pas jouer à Robot Fine Kitten, c'est correct, vous allez rien manquer. Fait qu'il y a lui. David, lui, il voudrait faire un peu plus la technique parce que je connais rien à la radio. Puis ouais, c'est ISM, il faut quand même gosser avec les consoles. Ah, mais ouais, il fait déjà de la radio. Lui, il fait de la radio. C'est vrai. Fait que j'ai recherché lui. C'est cool. Ensuite, là, j'essaye de ratisser un peu large. J'étais allé dans des amis, des connaissances que j'avais. Là, je n'en ai pas trop parlé, fait que je ne veux pas nommer de nom. Ah, il y a une affaire aussi que j'ai oublié. Ouais. Il y a une affaire aussi que j'ai oublié, c'est que je veux aussi faire des entrevues dans l'émission. Ah ouais. Aller chercher. Oui. Mais ça va être du monde comme du Québec. Oui, forcément. Mais à Montréal, il y a beaucoup de jeux vidéo. Écoute, j'avais... L'industrie va bien à Montréal. L'industrie du jeu vidéo va très bien grâce aux merveilleuses subventions de notre fantastique gouvernement, qui, on espère, ne va pas couper. Hein, Harper? Pas couper? Ouais, c'est une partie. Tu vois grand. Et donc, il y a beaucoup de l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Fait que... C'est vrai. Puis aussi, j'ai un prof, Bernard Perron, qui serait peut-être intéressé à faire une partie de théorie. Lui, il est orienté théorie de jeux vidéo d'horreur. Puis j'ai aussi... T'as un prof de cinéma qui est spécialisé en jeux vidéo? Jeux vidéo d'horreur, ouais. Il avait fait un colloque de jeux vidéo d'horreur cet été. Ah, ouais. J'étais allé. Je sais pas si je t'en avais parlé. Non, je pense pas. J'en avais même pas parlé sur mon blog. Et puis, fait que c'est de la recherche universitaire sur les jeux vidéo. Puis ça, c'est quelque chose que personne est au courant. Surtout, c'est un prof d'université qui se concentre sur les jeux vidéo d'horreur. Ouais. On voit pas ça tous les jours, hein? Ben, il est en cinéma, il donne le cours de montage et de cinéma d'horreur. Ok, fait que c'est l'horreur au sens large qui l'intéresse, finalement. Ouais. Ben, lui, parce que le jeu vidéo et le cinéma, on s'entend que ça se ressemble pas mal. En général, oui. Alors, Quand le jeu est bon, il y a une histoire, d'habitude. Ouais, ben... Sauf Mario, c'est bon pareil. Il y en a une histoire. Ouais. On t'émettra pas de ça maintenant. Bon. Et puis, fait que... J'avais rencontré des gens au colloque, et j'en ai... Un gars qui était à mon cours de cinéma d'horreur aujourd'hui, j'y ai parlé, j'ai dit « Hey, je suis en train de monter ce projet-là. Serais-tu intéressé? » Il fait « Oui, ce serait cool. » Puis il m'a parlé d'un regroupement, une espèce de club de théoriciens de jeux vidéo qui se rencontrent de temps en temps. Il m'a dit « Ils sont en train de faire des tables rondes, des discussions à propos des gros canons des jeux vidéo. » Puis là, il m'a dit « La semaine prochaine, on couvre Metroid. » Oh! Fait que je fais « Ah, je vais essayer d'y aller, ça a l'air le fun. » Puis il m'a dit que dans cette gang-là, il y a peut-être du monde qui sont intéressés. Ah, c'est alors, cool. Ça, c'est bien parce que j'ai besoin de gens pour mon projet. Si vous êtes gamer et que vous entendez ça, appelez-moi, contactez-moi. Il y a des millions de façons de contacter la brigade, on va le dire à la fin de l'émission. Ça serait cool. Ah, ça cogne encore. Hein? Non, ok. Fait que là, on va se dépêcher parce qu'on avait promis la salle à d'autres mondes. Ouais, ok. Donc, ça couvre pas mal mon idée pour le projet. Mais c'est cool. Fait que tu vas nous tenir informés des développements. Là, la prochaine étape, c'est recontacter CISM puis les écœurer puis pas y lâcher parce que j'y tiens à cette émission-là. Je trouve que ça manque vraiment. Non, mais c'est bon. Si t'as déjà d'autres mondes en plus qui sont intéressés, tu t'arrives pas avec rien. Là. T'arrives pas avec hey, je veux faire de quoi. Ouais, non. J'ai déjà commencé à écrire des sujets d'émissions, sujets de trucs. C'est cool. Ça a bien parti. Et ça, quand t'es content, il faut t'attendre la prochaine saison, j'imagine, pour commencer. Là. Je sais pas comment ça marche chez ISM. C'est pour ça que je les ai contactés, puis c'est ça que j'attends une réponse. Mais là, okay. Je vais les redéranger encore. Là. Ah, c'est cool. Fait qu'en gros, c'est ça. Comme je disais, si vous êtes intéressé à... si vous êtes gamer et que vous avez une opinion... Vous êtes engagé avec vos jeux, vous aimez ça chialer. Je vous veux. Ouais. Narf, c'est comme les jeux vidéo et le chialage. C'est comme les deux grandes orientations de sa vie. Il y en a d'autres, là. C'est pas si binaire que ça. Fait que, bon, comme il faut conclure, on peut peut-être conclure avec le dernier point qui est marqué là. Vite fait, ça sera pas long. C'est que sur notre blog, ça fait comme. Tu sais, on met des sondages de temps en temps. D'habitude, il dure à peu près un mois. Il traîne à peu près un mois. Là, je compile les résultats, j'ai mis sur le blog, puis je fais un nouveau sondage. Là, on arrive pas mal au mois de traînage qui finit. Oui, peut-être qu'il est fini, ça fait un mois. Mais je vais faire ça bientôt. Peut-être que ça va être fait avant que le podcast sorte, je sais pas. Mais on peut annoncer en grande primeur. Oui, en grande primeur. Mais en fait, on va commencer par la question avant le résultat. Oui, oui, c'est bon. La question, c'était... quel est votre animal de compagnie? Quel animal de compagnie voudriez-vous avoir? Je pense que c'était ça. Oui. Puis bon, il y avait plusieurs choix. Évidemment, il y a eu une couple de votes pour les Pitou, les Minou. Il y a eu quand même pas mal de votes pour Godzilla. Cool. Quand même. Mais le grand gagnant. Le grand gagnant, c'est Magikarp. L'astuce étant évidemment d'attendre qu'il évolue en Gyarados pour péter des gueules. Mais il me semble que Godzilla, il peut tout de suite péter des gueules. Ouais, j'y avais pas pensé. Tu sais que notre sondage, là, au début, là, il y avait 100% des gens qui votaient pour Magikarp. Ouais, ils votaient pour d'autres choses, mais ils votaient tous au moins pour Magikarp. Et le premier qui a pas voté pour Magikarp, qui a voté pour genre un chien, c'est ma mère. Ça, c'est un peu triste. Non, c'est correct. De toute façon, il y a quand même plus que 50%. Il y a un bon 75%, je pense, qui ont voté pour Magikarp. Bon. Puis, celui qui a eu. Prochain sondage. Je peux te dire, celui qui a eu comme aucun vote. Ouais. Le seul qui a eu aucun vote, c'est Shipper. Ou Shipper, je sais pas comment ça se prononce. Shipper, arrête de shipper. Exactement. Shipper, arrête c'est de shipper. C'est peut-être parce que notre blog et l'émission Dora l'exploratrice n'ont pas le même public cible qui a pas eu beaucoup de votes. Probablement. Prochain sondage, on a-tu une question? On peut demander. Je peux t'en sortir une live, là. Ouais, si moi, j'en ai une. À toi aussi? Ouais, OK, go. Ça va être... qu'est-ce que vous pourriez faire avec un escabeau? C'est une question de sondage, ça? Non. Ouais. My God. OK, non. Mais moi, j'avais sondage. Une idée, mais c'est comme moins débile. OK, j'en ai une bonne. OK, go. Sondage. Sachant que passer en dessous d'une échelle donne 7 ans de malheur, combien d'années de malheur vous allez avoir en passant en dessous d'un escabeau? Ou plutôt, est-ce que passer en dessous d'un escabeau donne aussi 7 ans de malheur? Voilà. Ça va être une question oui ou non. OK. Ou autre. Un peu comme êtes-vous droitier ou gaucher? Oui ou non. Alors, c'est ce qui termine pas mal cette... 35 minutes de l'apocalypse. Cette Xème émission... Non, cette Yème émission de X minutes avant l'apocalypse. Où X est compris entre 0 et l'infini. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, voulant ici dire un jour dans le jour. Dans un jour. Et c'est pas mal ça. Ah, là, faut exploser, là. Oh my God, on explose. On a dit qu'il y a des tunes dans ça? Non, hein? On avait dit qu'on mettrait la toune. Ah, tu voulais mettre la toune plate. Ah oui, on va mettre une toune. On va pas le finir avec... On va faire une explosion, là, gars. OK, bon. Boum. Ouais. Badaboum. On va mettre une toune. Je sais pas c'est quoi le nom, mais ça parle de genre, je coupe le son et je remets le son. Et ouais, j'adore faire danser les gens. On va la mettre si Narf la trouve. Ouais, je vais essayer de la retrouver. J'ai entendu ça une fois, je trouvais ça très drôle. Alors, il connaît pas le titre, il l'a entendu une fois, puis il va essayer de la trouver. Ouais, exactement. Alors, on met ça maintenant et c'est tout. J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. Ok, mettons qu'on enregistre de quoi? Alors, ouais, je parle fort, là. Ouais. Mais là, il va être là, de toute façon. Ouais, ouais, mais on va. Si je le booste un peu, on devrait peut-être entendre. On pourrait chuchoter. Ouais. Ok. Mais. Je crois que votre femme est enceinte. Quoi? Je crois que votre femme est enceinte. Mais tu vois, ça monte full. Check ça. Ça monte, mais j'ai hâte de voir comment ça va sonner. Ça module full. Ben, en fait, je pourrais même le baisser un petit peu. Ouais, quoi que... On va le baisser un petit peu. Un petit peu? Un petit peu. Un petit peu. Parce qu'il faut pas que ça distorsionne. Puis si on se met à rire fort, ça va distorsionner. Puis quand ça distorsionne, c'est pas hot. Par contre, si on le baisse... Par contre, si on le baisse, après ça, on peut le monter. Puis ça, ça distorsionnera pas. Bon, ben merveilleux. La feuille de route est là. La feuille de route. C'est comme dans Wii Fit. Il faut que tu fasses distorsion. Hein? tu fais distorsion, toi? Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai fait du Wii Fit. Moi, je trouve que quand t'en fais 6, c'est rushant. En fait, je pense que 6, c'est comme le maximum. Ça se peut. Mm-hmm. Ça fait longtemps que j'ai fait du Wii Fit. Oui, bien ça.